Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante, toute cette semaine en Inde. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, retour en Inde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Inde sort d'un passé colonial. Le passé et la suite. Ce sont les contraintes géographiques de l'espace indien qui sont à l'origine très largement de la compréhension de son histoire. La question du pouvoir. La population vote encore beaucoup en fonction de leur caste et pour des élus de leur caste. Aujourd'hui, suite de l'entretien avec Jean-Joseph Boileau, auteur de L'Inde pour les nuls, paru aux éditions First, Jean-Joseph Boileau est agrégé de sciences économiques et sociales et docteur en économie. Il a travaillé sur l'Asie comme chercheur associé au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, conseiller économique auprès de l'ambassade de France à New Delhi au début des années 2000. Il était venu à notre micro en 2014 pour nous parler entre autres de la complexité liée aux vastes dimensions du pays, tant kilométriques que démographiques, qui pose évidemment la question de la gouvernance. Comment gouverner toutes ces Indes ? Jean-Joseph Boileau. C'est bien que vous posiez cette question à un moment où, manifestement, l'Inde est un carrefour, puisque ces dernières années, la question de la gouvernance a été au centre des débats politiques, ou plus exactement, des rapports entre la société civile et le monde politique. Ce qu'on appelle les netis, là-bas, les hommes politiques, les politiciens qu'on met vraiment dans le même sac. Avec, vous verrez, lors de ces élections générales, l'apparition absolument extraordinaire d'un nouveau parti, en l'espace de quelques mois, le Parti de l'Homme Ordinaire, le Aam Aadmi Party, qui est dirigé par une équipe, mais qui a leader manifestement, qui a réussi à acquérir un statut charismatique, Monsieur Kejriwal, Anand Kejriwal. L'échec de la gouvernance qui avait conduit à cette corruption un peu massive de l'ensemble de la classe politique, c'est l'échec de la gouvernance précisément de l'Inde, ce que certains appellent post-coloniale, de la première phase de l'histoire indienne, qui couvre les périodes Nehru, Indira Gandhi, y compris jusqu'à aujourd'hui. La dynastie des Gandhi, donc côté Congrès, et du côté BJP, on est à peu près finalement dans la même histoire. Gouvernance basée sur, en gros, le schéma classique dans les pays qui ont été colonisés, une élite politique qui s'est distinguée dans la lutte contre le colonialisme et en tout cas pour l'indépendance, a conquis le pouvoir et en permanence se retranche derrière cette image. C'est nous qui allons garantir l'indépendance de l'Inde. Et ce faisant, année après année, on passe période Nehru, où là, la classe politique est extrêmement propre, dédiée à l'intérêt général du pays, et comme tout système, il naît et il meurt. Eh bien, lui, il rentre dans une période où il commence à pourrir, c'est donc les années 80-90. Et le modèle indien de gouvernance, ce n'est pas le modèle Nehru, c'est cette capacité, face à cette dégradation de la gouvernance aujourd'hui, d'un peuple à imaginer des solutions. Et de ce point de vue-là, j'aime beaucoup l'opposition entre la Chine et l'Inde, non pas pour dire que la Chine ce n'est que mauvais et que l'Inde ce n'est que bon, je ne suis pas du tout là pour juger, mais dans la dynamique politique et sociale, l'Inde est un pays qui arrive à générer de l'intérieur une antidote à ses défis par ce qui est ce qu'Amartya Sen appelle cette capacité du dialogue, les argumentatives indiennes, hein, la capacité d'argumenter qu'on retrouve dans tous les vieux textes. De ce point de vue-là, il y a bien un monde indien qui est marqué par cet apprentissage de la discussion. On se tape dessus, bien sûr, en Inde, mais on dialogue beaucoup aussi, et parfois de façon vive, mais on parle beaucoup. Il y a des échanges, des controverses philosophiques tout au long de l'histoire indienne, ou théologico-philosophique. Mais en tout cas, il n'y a aucun texte où il n'y a pas de grande controverse. Le plus important de ces textes étant la Bhagavad Gita, qui a été rajoutée en réalité à ce monument de la littérature indienne qui s'appelle le Mahabharata. Joseph Boileau, vous parlez de l'argumentation, de l'argumentaire. Vous rappelez également dans votre ouvrage que l'Inde est un pays précisément où les argumenteurs que sont les avocats fleurissent à chaque coin de rue. C'est aussi un pays, dites-vous, où on peut parfois perdre patience, tout simplement parce que on perd ses propres repères. En même temps, puisque nous parlions de politique, est-ce que cette argumentation, contre-argumentation, ces techniques rhétoriques qui poussent à tous les étages, ont aussi pour synonyme paralysie, difficulté d'avancer. Il est curieux de voir que, au cours des 40 dernières années, on mettait en effet face à face Chine et Inde, en parlant d'eux comme les prochains géants, d'évidence, ne serait-ce que sur le plan démographique, et qu'en même temps, tout au moins sur cette première manche dans l'histoire longue, la Chine est pour le moment le pays qui fait le plus parler de lui. L'Inde est un peu plus discrète d'une certaine manière, mais dans ce jeu de l'histoire longue des civilisations, les parties sont longues. En 1980, j'ouvre mon agenda sur l'Inde. Le CEPI me dit « Oui, bon, pourquoi pas, bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup. » Trouver un organisme indien, et je trouve donc un organisme indien. Et en même temps, le CEPI me dit « Oui, mais Boileau, vous savez, la Chine, là, en ce moment, la Chine, il se passe quelque chose. » Et donc, en fait, j'ai, en 80-82, commencé à travailler sur l'Inde, mais avec un comparatif Chine. J'ai appris le chinois, et j'ai donc très longuement voyagé en Chine, et j'ai trouvé que la comparaison Inde-Chine permettait à un Européen en particulier de ne pas tomber dans le tropisme permanent de l'occidental qui ne juge qu'à l'aune de son propre expérience. Et donc, cette comparaison m'intéresse. En 1981, la Chine et l'Inde étaient effectivement, en termes économiques, au même niveau. Même le niveau de vie officiel par habitant en moyenne était inférieur en Chine. L'Inde, à l'époque, dans la presse économique mondiale, l'Inde était mieux valorisée que la Chine, car la Chine était fermée complètement, alors que l'Inde était déjà quand même un peu plus ouverte, en dépit de son modèle de self-reliance, donc de compter sur ses propres forces, pour reprendre l'expression en Chine. Et en l'espace de 30 ans, 1980-2010, la Chine en a mis plein la vue à l'Inde du point de vue économique. 30 ans. 10% de croissance, et la Chine multiplie donc son PIB par 30, et la pauvre Inde ne multiplie son PIB que par 10. Donc il y a aujourd'hui, sur le plan économique, un géant qui est la Chine, et l'Inde reste un nain économique. L'expression n'est peut-être pas heureuse, mais c'est une réalité. Sur le plan du commerce mondial, on est dans un rapport de 1 à 10. Oui, mais connaissez cette fable de lièvre et de la tortue. Et c'est la thèse centrale de Chine d'Afrique. Le décollage chinois, pour des raisons assez complexes, mais de lien entre, je dirais, son histoire démographique et son histoire politique, cette fenêtre d'opportunité, c'est la période précisément 1980-2010. Et je pense très sincèrement que la Chine, qui est une superpuissance indéniable aujourd'hui sur le plan économique, est en phase maintenant de très net ralentissement et va retomber à 3-4% de croissance par an. Suivra peut-être pas la logique du Japon, mais pas loin. Et rappelez-vous, dans les années 80, on disait Japan number one. En gros, la Chine a fait l'essentiel de son chemin en termes de décollage, et lui reste la phase la plus dure, qui est de passer du revenu intermédiaire à un revenu supérieur, c'est-à-dire de passer en gros de 10 000 dollars de pouvoir d'achat par habitant à quelque chose comme 20 à 30 000. C'est la plus dure parce que c'est là où on ne se contente plus de copier, mais il faut nettement améliorer sa capacité technologique. Et de ce point de vue-là, on est confronté en Chine à cette contradiction entre le modèle politique et le modèle économique. Laisser à chacun le soin de donner le meilleur de lui-même dans un État qui contrôle tout le monde, c'est pas simple. Dans le cas de l'Inde, l'Inde n'a pas la même histoire démographique. L'Inde n'avait pas besoin d'un décollage sur une petite période de temps, 30 ans c'est petit en réalité, et donc on s'aperçoit que l'Inde va continuer, bon an mal an, sur une pente de 5-6% de croissance. Alors, ça veut pas dire qu'elle va rattraper, entre guillemets, son retard sur la Chine en 10 ans, 20 ans, mais elle est partie pour continuer son bout de chemin et s'affirmer d'une façon beaucoup plus graduelle en grande puissance. Donc là, on est dans une histoire longue. L'Inde, pendant à peu près 1000 ans, a eu un niveau de développement supérieur à la Chine en réalité, grâce à cet extraordinaire système agraire et agricole de la plaine indo-gangétique. Et puis, le monde chinois va la rattraper à partir de 1000-1200. Et effectivement, ça coïncide pour l'Inde, en plus, à un moment où, sur le plan politique, vous avez ces invasions qui viennent plutôt du monde arabo-persique. Et donc là, des tensions, un état de guerre un peu latent, etc. Alors que la Chine, qui va connaître des guerres aussi, mais va connaître quand même un phénomène de décollage économique pendant toute cette, en gros, après le 10e, 11e siècle. Et là, la Chine dépasse l'Inde. Mais les deux restent les grandes puissances économiques du monde jusque, c'est impressionnant, 1800, 1850. Et ensuite, toutes les deux vont tomber. Alors, sous le coup des problèmes internes, et puis quand même, je pense, principalement sous les coups de butoir du monde européen qui colonise la totalité du monde. Ça me paraît indéniable. Et c'est en même temps, rappelez-vous, 1947 pour l'Inde, 1949 pour la Chine, que ces deux puissances, ces deux géants, commencent petit à petit à remonter. Et simplement sur une courte période, 1980-2010, la Chine, effectivement, prend nettement là son essor et donc laisse le chameau ou l'éléphant indien, plus exactement, en arrière. Mais en termes de long terme, je dirais, je ne vois pas en quoi, pour l'instant, la supériorité chinoise, par exemple, pourrait être avérée. Je n'ai pas le sentiment. Je préfère, je dirais, le modèle indien avec tous ses défauts, ses travers, mais comme je vous le disais tout à l'heure, cette capacité endogène à trouver les solutions, à les bricoler, vous savez que j'aime beaucoup l'expression jugad, plutôt qu'un modèle impérial qui est celui de la Chine, qui se trouve, au travers de son histoire, confronté en permanence à des contradictions précisément externe, et qui connaît des événements d'une gravité exceptionnelle. Il y a eu des moments graves dans l'histoire indienne, indéniablement, mais pas aussi graves que ce qu'on a vu en Inde. La partition, par exemple, qui est pour moi un problème interne, bien sûr, indien, s'est traduit par des millions de morts. Mais on n'a pas les 50 millions des famines chinoises de grands mois en avant, par exemple. Et pour ce qui est de l'avenir, je n'ai pas le sentiment que la Chine puisse en compter à l'Inde, même si l'Inde doit faire attention, parce que ce déséquilibre momentané crée évidemment un déséquilibre en termes géopolitiques, ce qui amène l'Inde, par sa faiblesse, à se lier au Japon, à la Corée, etc. En même temps, elle a une façon tout à fait dynamique de trouver la réponse aux défis chinois. सजाऊंगा लुटकर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा लुटकर भी तेरे बदन की लाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की डाली को है वफा क्या इस जहां एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया है तुमने indiquez, Jean-Joseph Boileau, que l'une des nominations de cet État indien, c'est aussi une sorte d'État un peu mou. Alors, il a pratiqué pendant très longtemps la politique du non-alignement. Il a eu à se confronter avec le voisin Pakistan au cours de plusieurs guerres à répétition. Vous nous direz ce qu'on doit penser de l'état des relations entre ces deux pays, puis peut-être également nous indiquer, puisque nous parlions à l'instant de la Chine, quel rapport entretiennent également l'Inde et la Chine. Oui, le état mou, c'est un concept vraiment important, parce que c'est un jeu de mots, bien sûr, en anglais, entre le soft power, sur lequel l'Inde souvent a tendance à dire qu'elle appuie sa représentation, son pouvoir mondial, alors que la Chine serait davantage dans le hard power, dans l'équipement, la richesse économique. Et effectivement, on s'aperçoit que le soft power indien en prend un plomb dans l'aile, parce que c'est d'abord un soft state, c'est-à-dire un état corrompu. Alors, le soft state est précisément un concept des années 50, qui est très intéressant, qui est élaboré par Gunnar Myrdal, ce prix Nobel suédois d'économie, qui parle du drame de l'Asie en disant « l'Asie ne pourra pas décoller à cause, en particulier, donc, de son soft state », c'est-à-dire de ses états un peu corrompus, cette mauvaise administration en gros. Et c'est vrai que l'Inde est dans cette phase-là où, après un effort important de mise en place d'une administration efficace, elle tombe, comme je vous le disais tout à l'heure, par une dérive politique dans une classe politique totalement corrompue. Et donc elle est dans cette transition en ce moment entre le soft state et puis un État moderne. Moi, ça me frappe, je pense que la montée de ce nouveau parti, AM Aadmi Party, des classes moyennes urbaines, là, aujourd'hui, et précisément le reflet de ce tournant où l'Inde doit inventer un modèle politique moderne, avec des États plus petits, une vraie décentralisation, ce qu'on appelle la mise en place des panchayats, des conseils de village, etc. L'abandon, en gros, d'un pouvoir de New Delhi omniprésent dans ce pays. Ça va prendre du temps, et donc je ne suis pas, entre guillemets, optimiste. C'est-à-dire, je pense que la fin de l'état mou, du soft state, va mettre 10 à 20 ans au moins. Alors, sur le plan international, quelles conséquences ça? C'est ça votre question. Évidemment, c'est important de comprendre ce qui se passe en interne pour comprendre ce qui va se passer en externe. Là, vous avez, je dirais, deux cas de figure. Vous avez un premier cas de figure, et c'est celui, en gros, que propose Narendra Modi, le leader du BJP, qui est la carte nationaliste. Et à ce moment-là, ça veut dire que quand vous jouez la carte nationaliste, vous le voyez en Chine en particulier, vous jouez sur la peur de l'étranger, sur la peur du voisin. Et on peut penser qu'effectivement, si Narendra Modi l'emportait très haut la main, vous avez avec le Pakistan et avec la Chine, peut-être, l'annonce de moments assez durs. Il y a bien sûr des fondamentalistes, il y a bien sûr, comme partout en Europe, des forcenés des guerres, mais je n'ai pas le sentiment que ça dépasse, je dirais, un Indien sur quatre, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre scénario va l'emporter. C'est un scénario d'une Inde qui va se chercher un peu. C'est le scénario d'une Inde qui va être plus préoccupée de ses problèmes internes. Et à ce moment-là, je pense que on est au contraire dans une période où, vis-à-vis du Pakistan, l'Inde va être sensible à l'évolution interne au Pakistan, et donc plus respectueuse, peut-être aussi, de ce qu'il faut enfin que l'Inde reconnaisse le Pakistan. Car c'est un peu asymétrique. On entend en permanence parler des généraux d'Islamabad, de l'armée pakistanaise qui utilise le bouc émissaire indien pour justifier son pouvoir, mais il faut bien comprendre qu'aussi, en Inde, on est très loin d'avoir fait son adjournamento et de reconnaître que, bon, pourquoi pas, la partition n'était pas une mauvaise solution. Je voudrais dire par exemple que Narendra Modi s'est opposé à un autre leader du parti du BJP nationaliste qui s'appelle Advani, donc qui est quand même un des fondateurs non seulement du BJP mais aussi du RSS, donc de l'aile extrême. Mais Advani, dans un de ses derniers livres, a bien expliqué son rapport au Pakistan. Et Modi, lui, ne l'accepte pas, mais Advani l'accepte. We'll be right back. Sur la Chine, quelles conséquences ça va avoir? Eh bien, on va avoir à gérer en Inde une asymétrie, comme je le disais, entre une Chine superpuissance qui investit énormément dans l'armement en plus, qui repousse en permanence ses frontières du côté du Tibet et du côté ouïghour, en utilisant le prétexte du terrorisme pour, un peu comme la Russie, pousser ses frontières toujours plus loin. Et là, évidemment, le déséquilibre des forces va pousser l'Inde à devoir jouer sur ce qui est des alliances diplomatiques. Et donc j'ai l'impression qu'on va plutôt vers un monde où la petite Inde, pour parler par rapport à la puissance chinoise, va être au contraire un partenaire diplomatique extrêmement important, sans qu'en même temps on doive en attendre un alignement sur le monde occidental qui, il faut reconnaître, n'a jamais été extrêmement fidèle dans son histoire à des puissances qui lui faisait confiance un petit moment. Mais j'ai le sentiment, et je crois que ça apparaît dans la conclusion du livre, que voilà, l'histoire de la diplomatie indienne, c'est l'histoire finalement de l'Inde elle-même, c'est-à-dire un pays tellement différencié, tellement disparate que c'est seul son modèle démocratique qui permet de vivre ensemble. Et bien sur le plan diplomatique, ça se traduit par ce qui est la diplomatie du non-alignement. Et je crois qu'effectivement, on va continuer à voir une Inde pousser toujours plus cette idée selon laquelle il faut savoir faire des alliances, mais il faut savoir ne jamais s'enfermer dans des alliances. Donc c'est au monde occidental à comprendre que, compte tenu du poids réduit à l'échelle mondiale de nos pays dans les années à venir, eh bien, il faut savoir choisir nos alliés et savoir les écouter. Donc, c'est dans notre perception de bien comprendre que, eh bien, voilà, il faut arrêter d'être fasciné par les puissants, les grosses puissances, etc. Il faut aussi savoir travailler avec des puissances entre guillemets secondaires. Et je pense que l'Inde fait partie de ces puissances secondaires du nouveau monde sur lesquelles il faudra s'appuyer. Il faut les prendre telles qu'elles sont, avec leurs défauts, mais aussi avec leurs qualités. Et l'Inde, de ce point de vue-là, je pense, va jouer un rôle stratégique, y compris avec l'Afrique, d'ailleurs. L'Inde continue-t-elle à être grévée par ses problèmes internes ? Question posée à Jean-Luc Racine, sur le site de l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Ben en réalité, la quête de puissance indienne est déjà évidemment aggravée par ses problèmes internes, ce qui est le cas de la plupart des puissances. Hein, quand on pense aujourd'hui à ce qu'est le paradoxe entre les difficultés économiques russes et l'activisme de Poutine à l'étranger, c'est pas une spécificité indienne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Inde sort d'un passé colonial, qu'elle a eu plusieurs décennies de construction nationale après l'indépendance, essentiellement sous la houlette de Nehru, son premier ministre, dont l'héritage s'est poursuivi jusqu'aux années 90, fût-ce avec des inflexions. Et on a aujourd'hui deux façons de regarder le problème. Il y a la façon qui avait été formulée par le régime congressiste précédent qui a gouverné l'Inde pour la dernière fois de 2004 à 2014, où le premier ministre indien Manmohan Singh avait formulé de façon très mesurée les ambitions indiennes, je le cite en substance, hein, faire que l'Inde trouve sa juste place dans le comité des nations. Il y a une idée de puissance qui s'enracine évidemment dans le fait que l'Inde, c'est pas seulement une jeune nation, c'est une vieille civilisation. C'est un continuum au fil d'une épaisseur historique considérable, hein, un peu comme la Chine. Aujourd'hui, avec un gouvernement nationaliste, beaucoup plus musclé dans son discours, l'ambition de la puissance est là, mais évidemment, on le sait très bien, la puissance, ça demande d'une part une cohésion nationale forte. Et de ce point de vue-là, quelles que soient les tensions internes, l'essentiel, en gros, est acquis. Mais il ne faudrait pas que les bataillons les plus durs du nationalisme hindou ne viennent perturber cette construction nationale. Il y a la puissance militaire, bien sûr, le paramètre militaire pour lequel l'Inde se renforce année après année, même si son budget de la défense est à peu près 3 fois plus petit que le budget de la défense chinois. Mais surtout, le cœur du problème de la quête de puissance, c'est le poids économique. Et l'économie indienne aujourd'hui, avec 1,2 milliard d'habitants, en produit nominal en dollars, comme on dit, c'est-à-dire pas en parité de pouvoir d'achat, c'est à peu près le produit national brut de l'Italie. Donc la puissance demande à ce que l'économie soit à la fois au service de la construction de la puissance nationale et on donne les moyens à tous égards, c'est-à-dire aussi bien pour le budget de la défense, quand on pense à une théorie vraie dure de la puissance militaire, mais sur tous les autres fronts. Et tous ces autres fronts, c'est aussi bien le niveau de vie moyen des Indiens, et là il y a évidemment un paradoxe entre l'Inde, 9e puissance économique mondiale, mais 135e à l'indice de développement humain. Donc on voit bien que là, il y a un problème intérieur, qui est celui du maintien d'une pauvreté considérable, quel que soit l'essor de la classe moyenne indienne. Et puis, bien sûr, il y a le paramètre de ce qui va constituer la puissance de demain dans la compétition internationale, qui est la capacité d'innovation, qui est le nombre de brevets qu'un pays est capable de mettre sur le marché international. Donc tous ces paramètres jouent. Le cœur du problème pour le moment, c'est de faire en sorte que la croissance qui revient se traduise véritablement en développement au bénéfice, sinon de tous, mais d'une partie plus large de la population. Étaient aujourd'hui avec nous Jean-Joseph Boileau et Jean-Luc Racine, deux spécialistes de l'Inde et du sous-continent indien. Au-delà d'Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde de 1966 à 1977 d'abord, puis de 1980 à sa mort en 1984, un nombre non négligeable de femmes ont occupé des fonctions exécutives de premier plan au niveau de l'Union indienne comme des États fédérés. Un phénomène qui n'empêche pas de constater la rareté politique des femmes en Inde. Demain, rencontre avec la chercheuse Stéphanie Tawalamalreval, auteure d'un article intitulé « Les femmes et le pouvoir exécutif en Inde ». कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की लाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.